Cinquième journée avec vous encore. Et je voudrais remercier ceux qui m'envoient des courts commentaires, des réflexions. Vous êtes très encourageants et stimulants. Donc, j'apprécie vos suggestions par rapport aux vidéos. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour l'impact que cela a dans la vie de certains d'entre vous. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par un mot de prière. Père éternel, encore une fois ce matin, je m'arrête et je veux avouer que je suis un simple homme. Que nous sommes tous des hommes et des femmes qui ont une position tellement inférieure à toi. Même si la Bible des fois nous dit qu'on va juger les anges, mais par rapport à toi, nous sommes l'infini petit et tu es l'infiniment grand. On doit se rappeler ça. Se rappeler ça quand on lit les Écritures, quand on parle avec toi, quand on s'approche de toi. Quand on te prie. Et Seigneur, ce matin, nous allons encore regarder à un témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été poussé par l'Esprit de Dieu pour nous dire ce qu'il avait à dire. Mais derrière Jean-Baptiste, c'est toi qui veux nous dire, « Oh, ma créature bien-aimée, prends la place qui te revient. Ne prends pas ma place. » Et ce matin, aide-nous à comprendre que la place que tu nous donnes, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de super intéressant de prendre sa place, notre place. Donc, que ton esprit anime chacun des cœurs ce matin qui va écouter ce petit vidéo. Et nous t'en remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais qu'on continue à voir ce que Jean-Baptiste a dit. Si vous n'avez pas écouté hier ce que Jean-Baptiste a dit, si vous n'avez pas écouté qui Jean-Baptiste était, je vous encourage fortement à aller à reculer un petit peu et aller voir ce que Jean-Baptiste a dit hier comme témoignage. Ce matin, nous allons continuer à étudier une autre parole de Jean-Baptiste, un autre témoignage, comme il dit au verset 19 dans Jean chapitre 1, verset 19, voici le témoignage de Jean, et c'est son deuxième. Et Jean va le dire. Jean se situe auprès du fleuve Jourdain, près de Béthanie. Et il y a des gens qui viennent le voir, il y a des gens qui viennent l'interpeller, l'interroger. Parce que Jean-Baptiste attirait des grandes multitudes. La Bible nous dit des places que tout Israël est allé écouter Jean-Baptiste prêcher. Et Jean-Baptiste attirait des foules par sa prédication. Donc, les gens veulent savoir, qui es-tu toi? Qui es-tu toi, Jean-Baptiste? Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question à nous. C'est ce qui m'a interpellé ce matin dans ma lecture. Qui es-tu, toi, François? Qui es-tu? Si je peux répondre à cette question, qui es-tu? Ça va m'aider à répondre, que fais-tu? Ici? Que fais-tu ici, sur cette planète? Ça va même nous aider à répondre, que vas-tu faire pour l'éternité dans le ciel? Donc, il est important pour nous un peu comme Jean, de savoir qui nous sommes. Et Jean va nous aider. On va pas prendre un cours de 32 leçons en psychologie. On va prendre juste quelques minutes pour étudier qu'est-ce que Jean dit. Lisons ensemble le texte. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demanda « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Celui qui avait été envoyé était des pharisiens. » Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. « Qui es-tu, toi? » Qui es-tu? Il va commencer d'une façon négative. Il va se décrire de façon négative. Et sans peut-être qu'on s'en rende compte, ce que Jean va dire, ça lui a pris l'aide de Dieu. Je dirais même, ça lui a pris toute la puissance de Dieu pour l'amener à dire ce qu'il va dire. Parce que l'être humain pécheur que Jean-Baptiste était, que je suis, que vous êtes, ne veut pas dire ces choses-là. Il dit au verset 19, « Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. » Qui voulait dire « Je ne suis pas le Messie. » Je ne suis pas le roi qui devait venir. Je n'ai pas cette prétention de croire que je suis quelqu'un d'important. Parce que le Christ, c'était la personne attendue, c'était la personne importante dans le peuple d'Israël qu'on attendait depuis des millénaires. Donc on lui dit, est-ce que tu es le Christ? Il dit, ben non. Mais non, je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Il dit, ben non, je ne suis pas Élie. Ben non. Ça vous pose peut-être une question parce que Jésus a dit qu'il était l'Élie qui devait venir. Mais je crois aussi qu'il répond ici, je ne suis pas une incarnation du prophète Élie. Je ne suis pas une réincarnation du prophète Élie. Il aurait pu répondre, je suis l'Élie qui devait venir, mais ça, il s'en occupe pas, il répond à leur question. Je suis pas l'Élie. Et Élie, pour les Juifs, c'était le grand prophète. Le prophète. Le plus grand des prophètes qui était venu pendant le temps des rois. Non, je suis pas ça. Je suis pas important comme ça. Puis là, il pose une troisième. Il dit, es-tu le prophète? Si on avait le temps d'aller regarder, on irait voir que le prophète, c'était celui que Moïse avait annoncé. Moïse a dit, il va venir un jour un prophète comme moi, qui va diriger le peuple, qui va conduire le peuple, et toute personne qui ne va pas le suivre ne fera plus partie du peuple d'Israël. Donc, on lui présente ici trois choses. Il dit, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Je ne suis pas important comme cela. Moi, je suis quelque chose d'autre. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix. Je suis une voix, je suis une porte-parole qui crie dans le désert. Donc, il se présente pas, je ne suis pas une voix qui crie dans les palais royaux. Je ne suis pas une voix qui crie sur la place publique. Écoutez-moi, je suis important. Non, je suis une voix qui crie dans le désert. Planifiez le chemin du Seigneur. Sans le dire explicitement, il dit aussi, je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas le Seigneur, mais je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur. Oh, que c'est important. Oh, que c'est important de comprendre que nous ne sommes pas le Seigneur. On n'est pas le nombril du monde. Dieu n'est pas à notre service. Jésus n'est pas à notre service. C'est lui le Seigneur. Nous, nous sommes les serviteurs. Mais des fois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, mes prières, mon agissement, je me vois des fois, malheureusement, encore le serviteur qui est en train de vouloir dire au maître quoi faire. Au lieu de dire comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. J'ai dit, écoute, Seigneur, moi, je vais te dire quoi faire aujourd'hui. Voici ce que j'aimerais, moi, qui arrive chez nous, dans ma famille, dans ma maison. Voici ce que moi, j'aimerais avoir comme santé. Voici ce que moi, j'aimerais avoir d'une façon monétaire. Voici ce que moi, j'aimerais avoir en tant que couple. Voici ce que moi, j'aimerais avoir avec mes enfants. Voici ce que moi, Soyons un peu plus humbles, un peu comme Jean-Baptiste. On n'est pas le Messie. On n'est pas le Seigneur. Mais on est de ceux qui préparent le chemin du Seigneur. Et ce matin, ce qui nous interpelle, chacun de nous, c'est est-ce que nous avons préparé le chemin du Seigneur pour qu'il rentre dans notre cœur? Jean-Baptiste prêchait la repentance pour préparer les gens à recevoir le Seigneur dans leur vie. Et ceux qui n'ont pas fait ça, là, hein, ils n'ont jamais compris ce que Jésus est venu annoncer par après. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi un sauveur si tu n'as pas compris avant c'était quoi le Seigneur. On ne peut pas, c'est impossible. C'est pour ça que Jean est venu 6 mois avant Jésus pour préparer le peuple, que quand lui arriverait, qu'il comprendrait qui il était, qu'est-ce qu'il venait faire. Hein? Vous savez, la repentance, ce n'est pas dire « Seigneur, je regrette d'avoir fumé un joint. Seigneur, je regrette d'avoir regardé un film porno. Seigneur, je regrette d'avoir dit des gros mots à mes enfants. » Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est « Je prends ma place de créature et je lui laisse la place de Seigneur, de Maître, de Dieu. Je deviens le serviteur que j'ai été créé pour être. » Méditez là-dessus aujourd'hui un peu. Est-ce que je me suis repenti comme cela? Bon, non, si Jésus dit, je vais avoir Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, excusez, je veux comme mon Sauveur, je vais aller au ciel, quand je meurs, je vais aller au ciel, quand je vais mourir, pardonne mes péchés, Seigneur, je vais aller au ciel. Seigneur, je te fais la place, rentre dans mon cœur, prends le trône que là, assieds-toi sur le trône, deviens mon roi, mon Seigneur, mon Messie, mon prophète. Moi, je suis ton serviteur, je vais crier dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste dit, il est tellement grand ce Seigneur-là, il est tellement grand que je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses souliers ou de ses sandales. Wow! Chez les Juifs, celui qui enlevait les sandales des visiteurs pour laver les pieds, c'était le serviteur ou l'esclave le plus beau. Il je suis même pas digne. Il est tellement grand à comparer avec moi que je suis même pas digne de te lier ses souliers. Donc, si je suis pas digne de faire ça, suis-je digne de lui dire quoi faire? Je pense pas. Dis-moi, je vous baptise d'eau, au verset 26. Ça veut dire que je vous baptise de repentance. Lui, il va venir. Il va faire autre chose de bien plus grand que ça. On va le voir dans les semaines qui vont venir. Dans les journées qui vont venir. Il dit, moi, je vais, lui, il va faire beaucoup plus que moi. Il va vous baptiser d'une autre sorte de baptême. Et le Seigneur nous dit ce matin, François, en cette journée qui commence, prends ta place de serviteur. Prends ta place de serviteur. Et moi, le Seigneur, je vais te dire quoi faire. Je vais te montrer quoi faire. Je vais t'accompagner dans ce que tu... Je vais te demander de faire. Alors, je ne te demande pas de faire quelque chose puis de m'en aller. Je vais être avec toi. Et pendant que tu vas faire des choses pour moi, moi, je vais faire les choses que j'ai à faire pour toi. Mes chers frères et sœurs, rappelez-nous. Le Seigneur, il n'y a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Il sait quoi faire. Puis ce qu'il a promis qu'il ferait pour nous, il va le faire. Que vous lui demandez ou pas, il va le faire, ça. Lui, il s'est engagé à faire des choses pour ses enfants. Il va le faire. Ne vous inquiétez pas, il va le faire. Nous, on le sert. Et je vais vous dire une petite chose que j'ai appris peut-être un peu trop tard dans ma vie. Ce qu'il veut qu'on fasse, là, c'est qu'on le loue. C'est qu'on lui rende grâce. Ce qu'on dise aux autres, à quel point il est grand et merveilleux. À quel point il est formidable. Les œuvres qu'il veut qu'on fasse aujourd'hui, ce n'est pas un paquet de bébelles à l'église. Je n'ai rien de mal, c'est pas ça. Il dit, les œuvres que je veux, c'est des lèvres qui confessent mon nom. Confessent mon nom à mes enfants, à mon mari, à mes voisins, à l'église. On parle de lui, on est une voix. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre comme ça aujourd'hui. Notre Père du ciel, nous te remercions encore une fois de nous avoir dit qui nous étions. Nous sommes de simples serviteurs dans la maison d'un grand roi, dans le palais royal, dans le palais divin. C'est ça que nous sommes. Et nous sommes, nous ne pouvons pas être plus heureux quand nous sommes là en train de faire ça. Et ça nous dit aussi que pour l'éternité dans le ciel, nous allons être dans le palais céleste et nous allons servir notre maître pour l'éternité. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, dans cette journée? Au nom de Jésus.